Couffin prêt. Au cinéma, vous n'allez quand même pas avaler ça. Je reste sous le contrôle de mes émotions. Faut quand même pas charrier, ce n'est que de la fiction. Aussi vrai que les filles ne lâchent pas le paix. Un homme qui se respecte ne pleure jamais. Je pleure pas. Je suis un mec. J'ai perdu mon hamster nain et je suis resté fier, pas de chagrin. C'est vrai que depuis peu l'éducation se perd. Les hommes se font la bise, plus de service militaire. Certains ne regardent pas le foot, n'aiment même pas la bière. Mais dans quel monde vit-on? J'ai honte d'être sur terre. J'pleure pas. J'suis un mec. Je ne connais ni peur ni tristesse, juste ce qu'il faut d'amour et de tendresse pour ne pas qu'on me traite de pédé et que je m'énerve. Pour ça, je suis doué. Boum, zakaté, tkumka, boum, zakaté, wiki, doni, tiko, boum, zakaté, la koutou, wakke, boum, zakaté, ha ha ha. Ma mère pensait que j'étais sentimental. Elle disait s'il pleure, ce n'est pas un mal. Et depuis ce temps-là, je suis resté digne. Mes forces ont honoré la race masculine. Jusqu'à ce que mon fiston me présente son copain. Là c'est sûr, j'ai pas pu retenir mon chagrin. Pourquoi? C'est un mec, mec. Pourquoi? C'est un mec, mec, mec, mec. Mon poupineur, la musique de papa te fait peur, hein? Allez, c'est fini.